La sixième race, c'est une nouvelle race humaine. C'est une nouvelle évolution. Les lois sont totalement différentes. L'homme n'appartient plus à la société humaine. L'homme travaille directement, consciemment, avec les forces de lumière. C'est pas ça qu'Hitler essayait de faire. Hitler avait interprété la sixième race. Mm-hmm. Pour le bénéfice de la nation allemande. Ben, lui, il voulait ça. Il n'avait pas tout à fait compris le fonctionnement. C'est pour une femme. C'est pour ça que souvent, il me dit, vous êtes chanceux, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas tant que vous le savez. Quand vous le savez, bien vous le savez. Et d'ici à ce temps-là, vous ne pouvez pas le savoir. Vous pouvez sentir de temps en temps. Mais vous ne saurez jamais. Vous ne comprendrez jamais jusqu'à quel point vous êtes chanceux tant que vous ne saurez pas. Puis, d'ici à ce temps-là, mais il y aura toujours du doute, de temps en temps, suivant les situations qui viendront dans votre esprit. Puis ça, c'est la condition du contact avec eux autres. Ils sont anti-égaux. Ils sacquent de votre égo comme un garante. Ils vont le mettre à terre. C'est dégueulasse. Et pour quelle raison qu'il y en a qui sont dans ça, puis il y en a qui ne le sont pas? C'est une question de l'ego. Quand t'en arriveras à pas pouvoir te demander cette question-là, c'est parce que tu seras encore plus en dehors de l'ego. La question, pourquoi moins, ça vient de l'ego. Pourquoi moins? Mais non, je veux dire, mais pourquoi qu'il n'y a pas la chance à d'autres en dehors qui pourraient être ici, les autres ici? Tout le monde! Ce qui se passe dans la province de Québec, c'est simplement une canalisation de leur force. Je l'ai expliqué dimanche en conférence. J'ai dit, à Québec, c'est une cheminée. Ils construisent une cheminée vibratoire, un canal vibratoire au niveau de toute une population assez grande pour qu'eux autres puissent passer ensuite. C'est les conditions occultes de la lumière. Mais penses-tu qu'un nous autres? Il y a du monde dans tous les pays du monde, mon cher. Non, je suis d'accord, mais je veux dire... Qui sont pas du groupe et qui peuvent être aussi cendrés comme on peut. Les gens n'ont pas besoin d'être du groupe. Les gens n'ont pas besoin d'être ici. Ceux qui sont en Afrique puis en Amérique du Sud qui doivent être dans cette conscience-là, ils vont l'être dans cette conscience-là. Pensez-vous qu'il y a des moyens matériaux pour construire un pont entre la lumière et l'âme? Voyons. Je ne sors pas de mon corps brûlé. Y a-t-il ça de moyens pour construire l'âme, pour construire le canal? Il faut qu'il y ait un point, il faut qu'il y ait une base matérielle quelque part de cette conscience-là dans le monde, puis c'est dans la province de Québec. Donc, c'est possible que nos corps aussi soient dimensionnels, mais inconsciemment, que dans chaque point... Vous êtes tous multidimensionnels. Donc, on peut retrouver une même sensibilité de moi dans un autre pays. Ou... Vous pouvez sortir de votre corps et être quelque part dans le monde pour travailler, vous ne savez même pas. Ah. C'est un fait que j'ai pensé, mais je me disais... Vous ne savez même pas. C'est ça. Parce que votre niveau de conscience n'est pas assez élevé pour que vous le réalisiez que vous travaillez à telle place dans tel pays. Je peux poser ça, c'est quand c'est ça, vous n'en souvenez pas parce que vous n'êtes pas conscient. Quand vous en serez conscient, vous le saurez. C'est sûr, quand tu es censé faire quelque chose et que tu ne fais pas, d'autres veulent le faire. Ça donne n'importe quel coup. Ça fait tout le temps. Donc, si quelque chose est censé se faire, il se fait plus fort. Celui qui le capte. Automatique. Vous pouvez être quelque part actif, même matérialisé, vous avez même pas. Vous n'avez pas de mémoire? Merci. Fait que vous pensez que vous êtes inexcite. Ah, mon Dieu. On est conscient, c'est ça l'inconscient. Puis comme c'est plus l'affaire d'attitude, l'ego est plus impliqué là-dedans, automatiquement. Vous pouvez pas le savoir. Quand votre ego sera totalement transmuté en esprit, ben à ce moment-là, vous serez où ce que vous êtes. Mmh. Nous avons mis tout épaisse, hein, profondément. C'est ça, l'inconscience. L'effort. C'est vrai, mais... Vous autres, le maître de l'éther, vous le voyez pas. Parce que vous comprenez pas son mécanisme. Puis vous nourrissez, puis vous nourrissez, puis vous savez même pas vous nourrissez. Un jour, vous allez savoir. Vous nourrissez plus. Puis c'est à ce moment-là que vous devenez dur vers l'extérieur. Vous nourrissez plus. On ne doute pas pourquoi c'est les forces sataniques sont si fortes sur la Terre. Tu comprends? C'est normal. C'est bon que vous ne saviez pas ce que vous faites ces autres clairs. Moi, j'en connais 4 sites qui sortent. Puis on se rend compte. Puis ils savent même pas. J'ai regardé les yeux, puis ils savent pas pendant. Il y en a un, la semaine passée, il était à Lima, 23. Il se promenait des rues de Lima. C'est pas grave. Grave. Quand t'es rendu, tu te promènes des rues de Lima, pis tu sais pas, Charlie. T'es une bouée du coke. Au moins, on s'en va vers ça, de toute façon. On s'en va tout vers ça. Pourquoi tu t'es dit, ben. On s'en va. On recule, on avance. Hein? Je vais vous dire qu'on recule, on avance au moins. Ah. Même si ça dépasse l'entendement, là, présentement. Non, non. Non, c'est tout. Quand la vie commence à tourner, on ne peut plus l'arrêter. La vie, c'est un mystère. Tant que c'est plus un mystère. Quand c'est plus un mystère, je te dis que c'est n'importe quoi. Mais tu peux plus penser après ça. Tu viens fou, si tu penses. Celui qui est à Lima, là, si je disais qu'il était à Lima, il croirait pas. C'est si tu me disais à moi, je disais, c'est quoi, non? Je pourrais donner une preuve qu'il était à Lima, puis encore, il croirait pas. Il peut pas, est-ce qu'il peut, là, cette personne-là, mettons que tu lui disais, là, cette personne-là qui est ici, là, hein, qui est à Lima. Ouais, c'est égoïque, merci. Est-ce que... Ouais, c'est toi que je disais là-bas. Non, non. Ouais. Ça m'a fait dire ça, là, j'avais l'ego, là, mon tiens. Est-ce qu'en lui disant, il pourrait avoir quelque chose à l'intérieur de cette personne-là qui pourrait lui dire qu'il était là? Ouais, il pourrait avoir une certaine sensation. Il y aurait un petit flash de mémoire. Un petit flash de mémoire. Ouais, parce que j'ai fait quelque chose quand il était là. Il y avait un petit flash de mémoire de ça. On est totalement inconscient. Mais on s'en va totalement vers la conscience. Tu sais, j'ai déjà dit, dans un séminaire, je sais pas où j'ai dit ça, j'ai déjà dit, soit j'ai totalement raison ou j'ai totalement tort. Soit j'ai totalement raison, ou j'ai totalement tort. Soit je suis totalement capoté, ou j'ai totalement raison. Puis j'ai dit rien que par vous autres même que vous pouvez le savoir. Moi, je vous le dirai jamais. Moi, je vous parle, c'est tout. À ce moment-là, c'est vibratoire, on le sent. C'est par vous-même. C'est par vous-même que vous allez savoir, puis savoir, puis savoir, puis savoir, puis savoir. Moi, je vous montre rien que comment savoir. Mm. Mais ça dépend justement de chacun. Il y en a qui vont penser vraiment capoter, puis il y en a qui vont penser. Ça dépend toujours de chacun. Ça dépend toujours de chacun. C'est ça. Ça dépend où les gens sont rendus. Au point où on est rendu, là, on s'aperçoit que le capotage, là, il est loin d'être là. Parce que. On doit vivre le doute au bout. C'est pour ça que c'est important. Il y a quelque chose là que c'est vrai. Hein? Moi, les gens qui vivent le doute dans leur expérience sont des gens qui sont enrichis par le doute. Oui, mais t'as toujours dit, Bernard, que chacun avait raison. Alors, qui vive ce qu'il a à vivre? Si un pense que c'est pas vrai ton affaire, ben, pour lui, c'est qu'il doit vivre ça dans le moment. Jusqu'à ce qu'il en vienne à comprendre que c'est autre chose. Mm-hmm. Ce qui est plus dur pour nous autres, en tant qu'égo, c'est qu'on ne peut pas être sûr d'être sûr tant qu'on n'est pas sûr d'être sûr. C'est ça. C'est ça qui est le plus tough. C'est ça qui est le plus tough. C'est ça qui est le plus cochon. Parce qu'ils se servent d'aucun pouvoir. Ils sont anti-pouvoir, ils sont bien eux autres, ils sont anti-pouvoir. Fait qu'ils serviront jamais du pouvoir pour donner à l'homme une sécurité quelconque. Ils vont servir la parole, mais jamais tu vois. Mm-hmm. Fait que tu comprends que l'ego, il est laissé à ses propres expériences, à ses propres tempêtes intérieures, puis il détruit, puis il détruit, puis il détruit. Puis notre sécurité est là. Moi, il m'a dit une chose. Comment tu t'appelles? Ouais. L'autre, elle pas dit. Il m'a dit une chose, Pauline. Je rencontre bien du monde. J'ai vu bien du monde. Puis quand je rencontrerai un homme qui pourra me dire quelque chose, quand je vous dirai qu'est-ce que c'est cet homme-là? Moi, là, quand je rencontrerai un homme qui pourra me dire quelque chose, t'apprendre. Tu pourras me dire quelque chose que je ne saurais pas. C'est ça. Je vous dirai. Mm-hmm. Puis à ce qui me concerne, il y en a un aide qui peut me dire quelque chose. Nigga. Il n'y a pas un autre nègre. Fait que l'espace, c'est bien étroit entre l'humanité. Bien étroit. Bien étroit. Nègre. Parce que vous autres, vous tendez vers la centricité, là. Vous tendez vers le sud des tueurs. Attends que vous sachiez qu'est-ce que c'est le sud des tueurs. C'est quelque chose, le sud des tueurs. Mais en disant, qu'est-ce qu'il dit que ça veut dire, ça est tu, des tu? Qui t'explique ça en d'autres mots? C'est un état instantané, ça. C'est un état instantané, tu veux dire. Ça se dit, tu peux pas être tu, des tu. Puis ça, là, c'est ton beam. T'es sous ta beam, là, t'es sous ta vibration, là. Puis ça t'amène wherever. Ça t'amène où celui qui est ajusté, qui est fusionné avec toi, il veut t'amener. C'est dans la même conscience que celui qui te parle. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça, des fois, que tu vas dire quelque chose à quelqu'un, tu vas te reprendre de ce que tu dis. Ah. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Puis ce que tu lui dis, tu es sûr que tu dis que c'est justement ce que l'autre doit t'entendre. Ah. Et tu dois faire. On va toujours vivre le combat contre la femme. Une fois que c'est commencé, ça ne peut plus s'arrêter. On va toujours vivre. Comme lui, monsieur des chevigrades avec des lunettes. Chugas? Monsieur qui? Avec les lunettes? Monsieur Gérard? Gérard. Pas Gérard, Gérard, mon prénom. Gérard. Monsieur Gérard. C'est un grand être spirituel. Un homme très spirituel. Puis lui, il va en arriver. Puis d'ailleurs, ça commence un petit peu. Il va en arriver à se détacher de la forme spirituelle. Mais lentement. Lentement. C'est-tu commencé? C'est fait. C'est bien important dans son évolution. Puis quand ça va être réellement bien, bien clair, là, à ce moment-là, il y aura une sorte d'anxiété intérieure qui va disparaître avec. Bien important. Moi, je suis assez tanné de la spiritualité, là. Je suis aussi tanné de la spiritualité que les gens matérialistes sont tannés du spirituel. Tu sais, les gens matériels ne veulent rien savoir. Mais moi, ça m'est sûr, je veux rien savoir. Mais rien que de l'autre bord. Comme t'es pris entre une sandwich. Quand t'es spirituel, t'es pris entre la sandwich du matériel, pis t'as le mien. Pis c'est une maudite sandwich qui est difficile à gérer. C'est la plus grande des illusions créées à l'humanité. La spiritualité. C'est incroyable. Puis c'est la plus belle. Puis c'est pour ça que c'est la plus dangereuse. Puis c'est pour ça que les gens qui sont spirituels, qui ont été entraînés à la spiritualité, ou qu'ils sont nature, quand ils en arrivent là-dedans à travailler avec ça, je te jure que c'est pas une expérience facile à dépasser. C'est parce que le spirituel les nourrit, c'est insécurisé. C'est parce qu'on se nourrit du spirituel, puis on doit pas se nourrir du spirituel, on doit se nourrir de la lumière. Mm-hmm. Quand je disais que le monde des esprits doit retourner à la matière, pour qu'il y ait deux mondes, le monde de la matière et le monde de la lumière, mais pas de monde des esprits. Les gens viendront dans la matière, puis ensuite ils transmuteront la matière, puis ils retourneront à l'éther, et non à le monde astral. Donc, il faudrait réincarnation, ça va être un changement. Un changement de dimension. Quand les gens seront évolués, il n'y aura plus de réincarnation. Il y aura de l'incarnation puis de la mort de translittération après. Comment ça? La mort de translittération. Changement de plan. Mm. T'amènes ton corps à un autre plan. Tu disparais. Quand le monde des esprits sera disparu, les sept alèves seront rendus. Quand le monde des esprits sera disparu, les sept alèves auront fini leur premier travail qui a été d'engendrer la forme. Parce que la forme sera détruite. Parce que la forme, non, pas parce que la forme sera détruite, mais parce que la forme aura été spiritualisée. Spiritualisée. Ouais. Je parle encore de spiritualité. Non. Non, c'est plus une même domaine. La spiritualisation de la lumière, c'est la pénétration de la lumière dans... La spiritualisation de la forme, c'est la pénétration de la lumière dans la forme. Même la forme matérielle. Je dis, toi, tu parles d'être enragé. Je voudrais pas que tu sois avec moi quand je suis enragé. Quand je suis enragé, je te dis que je suis enragé en maudit. J'ai vu ça dimanche. Puis si le plafond avait un peu plus fort, le plafond tombait sur la tête. Enragé. C'est rien, ça te la voix. Ah. Ben, je me suis dit, qu'est-ce qu'il ferait s'il était bien choqué? Ben, le plafond s'est écroulé. Je suis enragé parce que tu viens que tu sais. Quand tu sais, tu viens enragé. Moi, c'est tout ça, je vous en donne du temps, puis je vais vous en donner du temps tant que vous pouvez. Parce que je réalise l'importance d'abord de vous donner du temps, puis deuxièmement, parce que je réalise la vibration des gens aussi. Puis c'est ça qui me donne la force. C'est pas du travail pour moi quand j'ai ça. Pour moi, c'est un plaisir. Mais c'est ça amical aussi, c'est plaisant. C'est amical. C'est un vrai. Ah. Pas attaché au mot non plus, ah. Même, c'est. Ah. La condition humaine, c'est une condition écœurante. Oui. C'est ça qu'il faut sentir. Le marasme. Le. Ton lourd. Il envoie ça. Il y aura des bouts. C'est que c'est un film. C'est ça. Toutes les tunnels de. Tu as ton rêve. Hein? Ouais. Tu as ton rêve de ta petite bébite. Ça, c'est le symbole de tout ce patate. Les Mentou, c'est le symbole. Fait que Mentou, quand tu le vois, ça, quand tu as voué cette condition-là sur toute la planète Terre, c'est pas un cadeau. J'aimerais pas ça être à ta place non plus. Mais il peut bien avoir. Je te dis que faut l'avoir. Hein? Il peut bien avoir des tremblements de terre à peu près partout en même temps. Ça fait un niveau vibratoire. C'est-tu des arangs ou ça, mais non, des patentes? Hein? Non, c'est pas un arang. Non, c'est dangereux. C'est dangereux, tu vois? C'est dangereux. Spirituel que l'homme a pour l'homme doit être totalement éliminé. Comment tu dis ça? L'amitié spirituelle que l'homme a pour l'homme doit être totalement éliminée. Parce que c'est bourré de sentiments. C'est un orange. Hein. Tu fais pour l'homme ce que tu as à faire, point. Une drôle d'orange. Une drôle d'orange. Elles sont bonnes. Il n'y a pas de noyau dedans, c'est une lagune. Elle doit être totalement éliminée, l'amitié spirituelle. On ne peut pas avoir de sentiments, nous autres. On est loin de ça. Ouais. C'est ça, c'est ça. Je veux plus dire ouais. Regarde la souffrance que ça demande. Il faut le savoir. Toi, tu te fâches, c'est ça qui t'amène à ça. Ouais. Mais c'est là quand le sentiment t'arrive, tu le refuses. T'en veux plus. J'en veux pas de ça. T'es piquard. Tu n'as plus. T'es vide. Même on est plus capable d'en donner pour... Non, tu donnes ce que t'as donné, c'est final. C'est ça. Rien pour le soulager. Ouais, c'est superficiel. Hein? Superficiel. Ouais. Bon. C'est ça. Non, ça marche. Mais encore là, il t'envoie des doutes. Hein? Parce que quand tu refuses justement ces sentiments-là... On va t'en donner la moitié. Non, regarde, la star, je n'en veux pas. On en parle un autre. Il me disait... Quand t'es réellement conscient, quand t'es bien, bien fusionné, tu es ce que tu dis. Ouais, ouais. T'es ce que tu dis. Fait que s'il y a du sentiment dans ce que tu dis, tu es ce que tu dis. Il y en a dans toi du sentiment. Mm. Automatiquement. À combien de temps, maintenant, tu me dis? Ça vient que le temps. J'ai encore un facteur. Je voulais pas savoir, hein. Ton ego a vibré. Mais plus que tu sors, c'est mieux que de me dire que tu en fais aussi de ça. C'est pas pareil. Va jamais. Je parle de vous. Mais moi, je parle tu m'en fais, c'est comme. Oh, c'est ego. Mais on se parle, c'est rien de plus. Parce qu'ils nous font voir. Le savoir, du moins on sait. Ils nous font sentir. Non. Pas sentir avec bref. On sait le savoir. OK? Et vous n'arrivez pas à la rendre. Ils nous font savoir qu'on sait. Puis. Puis l'autre. C'est qu'ils nous font aussi voir. Vraiment où on est. Comprends-tu, je veux dire? Fait qu'il y a une frustration automatique. C'est ça qui déclenche. Bon, mais ça, c'est intéressant. J'ai toujours une réaction. Comme là, j'ai écouté des cassettes. OK? Quand j'ai eu écouté les cassettes, j'ai eu une grosse réaction. Parce que moi, ça, j'ai toujours une réaction, moi, tout de suite. Ben, je dis toujours. Ça arrive assez souvent. Ça prend que j'écoute une série de cassettes. Ah ben là, ça vient là. Ça, c'est l'ego, toute l'affaire, parce que le chapeau, des fois, ça va jusque là, puis toute l'affaire. Puis là, rendu à ce moment donné, je le sais, mais je vois exactement où j'en suis, parce que je me connais, puis je peux pas me mentir à moi-même. Mm-hmm. Je peux mentir à n'importe qui, mais pas à moi-même. Fait que c'est ça qui te font sentir, tu sais. Puis on a un kick de ça, tu sais. Parce que là, ils disent, ton ego, il est fort, mais tu vas casser, tu vas plier, tu sais. Tu vas craquer à chaque fois. C'est ça qui est écœurant. Puis ils sont tough. Ben, ils n'ont rien à faire avec l'ego. Je le comprends bien. L'esprit, donne pas de chance. C'est pour ça que toutes les initiations qui ont été vécues sur la planète Terre avant, c'était toutes des initiations qui servaient à libérer un certain nombre d'hommes individuellement. Tu avais des sociétés secrètes où tu avais des maîtres qui libéraient un peu l'individu, mais c'était tout au niveau astral. Alors, les initiations, dans le passé, c'était toutes des initiations astrales. Parce qu'il n'y a pas un homme qui va vivre une initiation à travers un homme de l'ordre d'une initiation solaire. Parce que même l'adepte tuerait le maître. Parce que il vient un point dans l'initiation solaire où l'ego, dans sa grande souffrance, rendu un point où il est totalement libéré de la forme. L'ego, il peut tuer comme il peut. Ouais, ben c'est ça, des fois ça l'appelle. Ouais, ouais. T'as peur de toi? Ouais, ouais. Mais c'est pas que t'as peur de toi, ça c'est à cause de l'ego. Je sais que c'est l'ego. Ce que je veux dire, c'est le point, il vient un point où le contact entre les phases allumées et l'ego est tellement intense. Que l'ego, c'est comme si l'ego est trop dans la lumière. Tu sais, il est trop. Si moindrement il y a une situation sur le plan matériel qui amplifie cette souffrance-là, l'ego peut faire n'importe quoi parce que là, à ce moment-là, il n'est plus pris dans la force. Moi, je l'ai vécu dans l'expérience avec un homme. Mais un homme ne pourrait jamais vivre une initiation solaire avec un homme. Un homme doit vivre une initiation solaire avec eux autres. C'est ça qui n'est plus de maître. C'est lui. Hein? Tu deviens bruit. C'est toi envers eux autres, en relation avec eux autres. Ah. C'est ta relation entre ton esprit et leur esprit qui t'amène à la vibration solaire. Pas horizontalement. Il n'y a pas rien de grand. Une fois, je checkais la prison. Puis, ils m'ont dit, le boss, c'est lui, pour penser à lui. Là, j'ai compris, mais mon. Finalement, c'est avec moi-même. Ben, c'est évident. C'est évident. Tout le temps. Toi, il aime ça d'en compter des salaires. Parce que toi, tu tombes dans le piège, t'apprends ça, tu te redresses. Toi, tu tombes dans le panneau, mais ça, tu souhaites l'air. Tu veux jamais t'aider dessus? Nous autres, tu vis dans le langage de la paix. Tu vis, c'est un crime, c'est un homicide, ou bien c'est un suicide. Bien. Dans dans la lumière, tu vis. Si quelqu'un empêche une évolution, à ce moment-là, il vaut mieux qu'elle soit détruite. Quand les gens ne sont vraiment pas conscients ou ne veulent pas. Ouais, mais tu peux pas tuer sa tête dans la lumière. Dans la lumière, ce que tu peux faire, tu peux détruire un corps. Un corps, mais sur une autre planète, mais pas sur notre planète. Ah bon? Pour pouvoir détruire une vie humaine, il faut que tu en connaisses tous les aspects. Bon. Fait que si tu connais pas tous les aspects d'une vie humaine, tu peux pas détruire cette vie-là. Puis tu peux jamais détruire une vie humaine avec des moyens planétaires. Tu dois toujours détruire une vie humaine avec des moyens qui sont cosmiques. Ah. À ce moment-là, tu tombes sur une autre vibration, c'est une autre loi. Comme je l'ai expliqué dans une civilisation supérieure, si un enfant est mal formé, ben ils vont le détruire. Il savait pas. Oui. Il va retarder l'évolution de la civilisation, il va retourner le plan, puis ça, il reconstruira l'autre corps pour venir un corps mieux fait. Mais sur notre planète, on a trop de sentiments. Yeah. On a trop de sentiments. Oui, mais on commence à en avoir de moins en moins de sentiments. Oui, mais pour qu'on puisse... D'abord, ils n'appellent pas ça tuer, là. Ils appellent ça dématérialiser. Pour qu'on puisse dématérialiser un corps, il faut déjà qu'on soit dans un autre niveau de conscience. Parce qu'à ce moment-là, le problème de tuer n'existe pas. Tandis que c'est sur notre planète, c'est tuer, c'est meurtre. C'est un meurtre. On n'a pas le droit. Toujours un karma impliqué là-dedans. Mais eux autres, dans ta relation avec eux autres, ils peuvent t'amener à un point où ils vont tester la centricité de ton ego. Moi, ils m'ont amené à la centricité de mon ego. Je t'apprête à le faire. J'ai dit, t'es mieux de changer, bon, parce que là, j'y vais. Là, ils ont changé. Ça, c'est juste avant que je commence les séminaires. Fait que là, dans cette centricité-là, là, l'énergie a passé pour les séminaires. Mais tu peux pas. Il te barre. Mais la relation entre l'homme et eux autres est toujours absolue. C'est relatif, l'absolu. La relation entre eux et eux autres est absolue. La relation entre eux et eux autres sont absolues. Tout est bien, c'est absolu. Tu vois, tu parles là, puis il m'a envoyé une image. Il m'a mentionné comment il s'appelle. L'immolation de son fils, il avait demandé de m'immoler son fils. Abraham? Ouais. Isaac? Ouais. C'est l'exemple. C'était un test. Ouais. C'est le moment où ce qu'il y avait eu. Là, ils l'ont arrêté. Ouais. Et ça me. C'est passé une nuit, non? Mais Abraham, il passe avec, c'est la finale, Charlie. Ben. Sacré. S'il avait dit non, je le fais pas. Oui, ça va, là. Cinq un test pour sa propre résistance. Faut que t'aies bien du discernement pour le dire non. Mais dis ça, Abraham appartenait à cinq races. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les initiés ne meurent plus sur la croix. Il n'y a pas un enfant à la chaîne qui va me mettre sur la croix à moi. C'est au mieux d'être là. C'est fini. Est-ce que je dois attendre la fin du cycle pour passer sur un certain plan? Est-ce qu'il est revenu? Est-ce est-ce qu'Abraham, dans ce temps-là, pouvait passer sur un plan où il se voit attendre la fin de ce cycle-là pour aller sur le même plan? Abraham, présentement, travaille dans un autre monde. Puis d'un autre monde. Il revient depuis ici. Est-ce que c'est pareil comme c'est ici, ou ceux qui sont venus, là, les maîtres, est-ce qu'ils pouvaient passer dans un autre plan? Je veux peut-être dire être conscient qu'ils passaient dans un autre plan. Les initiés peuvent se réincarner sur place, si on peut faire de... Les initiés, ils ne se réincarnent pas, ils s'incarnent. S'incarner, ouais, mais bien. Il ferait partie des aides de la vie. M'en dis donc, réponds. Pour lui, c'est le plus des vies. Hein? Ils ont des têtes de cochon, tu sais. Ils ont des têtes de cochon dans ce sens. Qu'ils veulent, ils veulent pas répondre à ces questions-là. Pourquoi ils font poser? Pour qu'ils sachent qu'ils veulent pas répondre à ces questions-là. Si ils ont un ouvrage à faire, ils vont venir ici de faire. Ils disent qu'on devrait, d'ailleurs, on va en aller. On en arrive. Est-ce que ces questions-là, ça nous intéresse même pas? Faut qu'on arrive à plus n'avoir les questions. Parce que c'est une condition de l'ego. Faut qu'on en arrive à plus être intéressé à rien. À rien. Ça fait partie du passé. Ça fait partie du passé. Ça, c'est partiellement une bonne réponse. Tout ce qui fait partie du passé, c'est mort. Moi, ce que ça m'a donné... De ce temps-là, là, la personne ne me posait pas, je lui posais pas de questions. De qu'est-ce que je lui pose des questions, c'est pour le moment présent. Et si je veux apprendre, je veux pas. Dans ce temps-là, c'est des... Comme là, à un moment donné, j'ai eu une décision à prendre. Je vous ai... Ben, disons, j'ai eu une petite tension, là. J'ai dit oui, ça va être de même. Et ils m'ont dit non. Ben, j'ai dit c'est quoi d'abord? C'est quelque chose de mieux? Si c'est pas ça, c'est quelque chose de mieux tout le temps pour moi. Mais là, j'ai vu clair dans la situation que le mouvement que j'avais à faire. C'est toujours pour le moment présent. Mais c'était-tu la même décision que tu avais prise par toi-même? Mais là, je l'aurais jamais su. Mmh. Par moi-même, ça a été à travers moi, là, c'est correct, mais... je n'avais jamais pensé à ça avant. Mmh. Une minute avant que le mouvement arrive, que l'autre m'a pris le mouvement... Dans l'instantané. Oh oui. Toujours pour le moment présent. Ouais. Faut que ça serve tout de suite. Ça fait tout de suite. Il dit que s'il répondait à toutes nos questions, il dit qu'il ferait. Il retarderait notre évolution. Nous autres, on pense qu'elle avancerait. Je prends Arbeck comme exemple. Il y en a des questions à Arbeck. Là, il commence à en avoir un petit peu moins, puis un petit peu moins, puis un petit peu moins. Mais il retarderait notre évolution. Puis il y a des questions qui sont intéressantes. Puis tu m'as fait un set de questions, là. Je suis pas capable de les mettre en rire, par contre. Parce que je suis pas capable. Faut que l'énergie passe. Faut qu'il puisse les répondre, les questions. Hein? Faut qu'il veuille les répondre. Puis c'était des questions bien intéressantes. Mais ils sont totalement anti-égo. Ils sont anti-égo à un niveau, à un point tel que vous avez pas de maudite idée. Qu'est-ce qu'il dit, là? Quoi? Ils sont des anti-computers. C'est un computer, là. Oh, non. Vous n'avez pas souffert, les autres, encore. Vous avez souffert un petit peu. Mais souffrez, les autres. Vous n'avez pas souffert. Vous ne souffrirez jamais des autres comme moi, j'ai souffert, les autres. C'était écœurant, souffrir, les autres. M'en dis comment j'ai su faire là. C'est ce qu'il dit. Ils savent. Faire un pot, ça, c'est quelque chose. Moi, j'ai su faire le martyr mental. Ils disent. Moi, c'est tout ça, là. Tout ce qui me reste à faire, vous autres, c'est vous parler, puis vous parler, puis vous parler. Une fois que vous êtes ouvert, là, parlez, vous parlez, vous parlez. C'est que ça m'arrête. T'as tout bien fiché le thème. Alors, tout quand tu m'as dit, là, que je comprenais jamais ce moment, c'est pas nécessaire, ma vie. Parce que, au moment où on fait une action ou on crée une décision, c'est de la faille, c'est pas de comprendre ce que ça va donner ou qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que c'est. Oui. C'est après que on... Mais la faille, tu as tellement de douceur, toi. En toi, tu as tellement de douceur. C'est ta douceur. Toi, il t'appelle la grande douce. La douceur. Puis quand, tant que t'as de la douceur, t'as pas, tu peux pas vivre ta force intérieure dans l'instantané. Parce que ta douceur va te faire retarder ce mouvement-là. Ta douceur. C'est une forme à défaire. C'est un sentiment, c'est une énergie. C'est la souffrance qui détruit ça. En relation avec des événements qui peuvent se produire. Ta douceur. C'est ça qu'on bloque si je perdais au bout. C'est ça qui te bloque, c'est ça. T'es douce. Lui, c'est un autre doux. Ça, c'est doux. Ah. Ça, c'est du miel. Mais chacun est différent. Mais on passe tout à travers nos conditions. Il n'y a pas un homme pareil, il n'y a pas une personne pareille. Pour moi, le mec avant un peu. Ton mari, il n'est pas doux. Lui, il avance. Ah, ça. Oh, ben, lui, il avance. Lui, il va toujours au bout de son lit. Ah, tout bout. Tout bout. Il est en haut et du fait. Lui, la cellule, je pense, ça vient du monde. La cellule, la fille, c'est pas moi. Il est en dehors de lui. Ah, lui, il fonctionne. Il fonctionne. Mais moi, ça a été bon pour moi. Hein. Ben oui. Ça m'amène patience, puis des petites passions, là, quand ça se passe. Oui, là, du temps pour moi. C'est pas compliqué. Puis il va l'avoir, je le sais. Autant j'étais impatiente, puis tout de suite, lui, il m'a... D'abord, il est tellement plein d'énergie, puis il m'a emmené la patience, puis ça me prend. J'attends, je suis capable d'attendre, faut presser. Il m'a emmené ça. Autant avant, j'étais empressée, puis là, bon. Toi, tu comprends-tu ton problème? Il est comme il t'en revient. Toi, tu vis un petit peu en dedans de toi, puis un petit peu en dehors de toi, puis un petit peu en dedans de toi, un petit peu en dehors de toi. Il dit, toi, t'as un doute quelque part. C'est pas qu'il est gros ton doute. Il est long. C'est comme un fil. Vois-tu, vas-y? De temps en temps, il vient. Il sort. Mais ça, c'est tout le côté de ton intellect. Mais t'avances. Il dit qu'ils sont plus inquiets pour toi. T'es ça à traque. Toi, t'as dépassé le cap là, après 3-4 mois. Le cap. Un qui commence à dépasser le cap, c'est lui. Jean-Paul, Aimé? Non, comment ça? Aimé. Comment ça dépasse? Mais c'est un drôle de cap. Lui a 3-4 dans son cap. Lui, il a le cap. D'abord, c'est pas facile, lui, parce qu'il a le cap de l'insécurité. Ça, c'est tough. Parce que nos vies, là, on est venu dans la matière. Tout ça fait partie de notre plan de vie, les conditions. Tout. Ce qui crée nos limitations en tant qu'égo. Ah. Il y en a, c'est une chose. Il y en a, c'est d'autres choses. Il y en a, c'est telle sorte de cap qui doivent passer. Il y en a, c'est telle sorte de cap. Puis un cap qui est difficile au niveau de la personne, c'est l'insécurité. Puis plus les caps sont difficiles, plus quand t'en sors de ces caps-là, plus t'es centré. Lui, l'insécurité, c'est un gros cap. Puis il commence à le contourner, le cap. Ça, c'est un cap. Il y en a 3 caps. L'autre cap, c'est l'incertitude. Mais ça, c'est lié à l'insécurité. De temps en temps, le cap, il se monte en dehors de l'eau, puis de temps en temps, il descend en dessous de la surface de l'eau. De temps en temps, il est là, de temps en temps, il n'est pas là. Puis l'autre cap, c'est la compréhension vibratoire de la relation entre insécurité et certitude. Il y en a qui ont passé leur cap avec leur mari. Elle, c'est un exemple. Elle a passé le cap avec son mari. Les gens ont toutes différentes sortes de cap. Il y en a qui sont pas arrivés à leur cap encore. Mais ils sont dans le chenail. Bouliane, c'est bien fermé, son père. Marie. Elle est comme au-dessus du cap, elle est comme au-dessus de son cap. Elle n'en souffre pas de ses caps. C'est bien particulier, son père. Mais ça, c'est parce que tu as été dans des sociétés ésotériques qui t'ont préparé à des affaires. Ça t'a préparé. Croteau, c'est un autre exemple, ça. Ils n'ont pas de problème de cap. Il y a des gens qui n'ont pas de problème de cap. Votre mari n'a pas de problème de cap. Peut-être parce qu'on se met plus souvent au l'œil. Au moins là. Votre esprit a été. Affecté positivement par des expériences antérieures. Monsieur Labelle, c'est un autre. Le cap, il est passé le cap. Quand t'as passé le cap, t'es bien quand t'as passé le cap. Lui, il est en train de passer le cap. Il est dedans de passer le cap. Il est comique parce que son cap, lui, au lieu d'être en hauteur de même, il est en surface. Tu sais? Fait que c'est plus long. Mais le cap est moins... C'est plus dur si le cap est de même en hauteur. Parce que lui, il est flat, le cap, mais il y a beaucoup de surface. Il y en a qui sont chanceux, ils n'ont pas de problème de cap. Les jeunes, là, comme lui, là, puis l'autre jeune, n'ont pas de problème de cap. Les jeunes, la belle. Il doit démarrer, quand. Qu'est-ce qu'ils font, dire? C'est vrai, hein? Il est marécage. Ils sont écœurants. Bien dit. Tu sais? Il est dans le marécage. Ben, dis, tu sors de là. Ça va la faire dedans. Mon Dieu. Ouais, mais tu peux pas sortir parce que tu veux. Ouais. Sors parce que tu peux. Hein? Une bière? Ouais. On m'a fini, mon gars. Quelqu'un qui m'a dit que t'avais squash. Comme lui, il est grand. Comment est-ce qu'il s'appelle celui qui est à côté, l'ingénieur? qui a des lunettes. Ouais, comment il s'appelle, lui? C'est quoi votre nom? Florent. Florent. Florent, lui, Florent. Lui, Florent, il vouait les illusions du Cap. Il les a vues, il les vouait. Il les a vues, les illusions du Cap. Quand tu as vu les illusions du Cap, à ce moment-là, tu souffres plus du Cap. Comprends-tu ça, Florent? Je comprends. Parce que le dernier mot, tu dis illusions du quoi? J'ai dit, toi, j'ai dit, tu vois les illusions du Cap. Je dis, chaque personne a un Cap à passer. Tu sais, les gens ont différents, j'essaie de décrire par des mots les Caps. Moi, j'ai changé le mot, Cap. C'est une limite intérieure. Okay. Okay? Puis lui, il a comme...